pendant que le Ku Klux Klan recherche à buter Barack Obama. J'attends ma chance comme quand j'étais le seul à y croire dans ma chambre. Comment taper le sprint final quand on te met une balle dans la jambe? Si tu réussis, hamdoulilah. Si tu marronnes et que t'as le seum, moi et le rap inséparable comme le Viagra et la rifline. C'est pour mieux mettre des coups de boule que ma rime à la calvitie. Je recharge mes cordes vocales, je suis en mode crime lyrical. C'est pour tous les oulets de l'Houma dans le bain depuis M.O.B.B. You got a hope, baby, yeah you know me. Dans ton troupeau de brebis, sahbi, le loup domine. Ici c'est bienvenu chez les ch'tis, vers le bled de Mandaka. Der, il te dira, j'te minique avec The PhD, nique ta mère. Des découpages rythmiques, fais péter le feu d'artifice. Je lâche pas l'affaire à la Maldini, j'dégaine la Syrie. T'as une caisse immatriculée 13, c'était la haisse pour toi, maintenant tu pèses. Ils t'ont fait les papiers, tu viens du bled. Ça pète sa mère, wesh ma mène. Faut que ça pète sa mère. T'as arrêté le hram, t'es dans le hled. Ça pète sa mère. Le coup de la réussite après l'échec. Ça pète sa mère. Quand je fais un concert que la salle est pleine. Ça pète sa mère, wesh ma mène. Faut que ça pète sa mère. Quand ça fait boum, c'est que c'est du bon travail. Ça c'est cadeau papa. À cause d'Al-Qaïda, le père Noël devra raser sa barbe. Rap ta ça, je suis un exécuteur d'instru. Passe-moi le mic avec un thème, je te fais un tube technique, mais si net et précis, je résiste, j'existe dans l'oreille, je t'explique. Trop de racistes sont des insignes. Les shérifs nous prennent pour leur cible. Quand y'a le feu, pas moyen de l'éteindre comme la flamme olympique. L'ambiance est hemi, hemi, hemi. Quand les darons s'inquiètent, l'âge des Haouji. Ils ont détruit tous les quartiers pour en faire des pavillons. Les cafards ne seront pas remplacés par des papillons. Les gyrophares sur la gueule nous annoncent la couleur. Mes battements de cœur sont au même rythme que les boomers. Certains se font la crête, moi je garde ma coupe à la Yule. C'est le son ta ta ta ta ta ta ta les crapules. Si t'as une caisse immatriculée 13, ça pète sa mère. C'était la haisse pour toi, maintenant tu pèses. Ça pète sa mère. Ils t'ont fait les papiers, tu viens du bled. Ça pète sa mère, wesh ma mène. Faut que ça pète sa mère. T'as arrêté le hram, t'es dans le hled. Ça pète sa mère. Le coup de la réussite après l'échec. Ça pète sa mère. Quand je fais un concert que la salle est pleine. Ça pète sa mère, wesh ma mène. Faut que ça pète sa mère. Fais péter le volume si tes voisins marron, dis-leur. Si t'as réussi que personne croyait en toi, dis-leur. Fais péter le volume si tes voisins marron, dis-leur. Si t'as réussi que personne croyait en toi, dis-leur. Ah, ah, tchou. Pour ceux qui portent l'œil, un grand respect pour les familles et les quartiers qui portent le deuil. Tu veux du fric, je te mets au parfum. L'argent n'a pas d'odeur. Et yo frérot, ne sors pas ton gun. Ou c'est 10 piges de pâte au cœur. Et oui, mes rimes vont droit au cœur. Pas besoin d'électrochoc. Mes potes ont les dents cassées et des balafes tout en étant beau gosse. Se retrouver chez la police ou les gendarmes, c'est comme au milieu d'une discussion d'Evangélie et de Van Damme. Ici c'est Hellux, tu connais la famix. Le dimanche après-midi, ça fait péter le KX. Certains sont démodés comme la touffe sur les foufounes. C'est qui tout double, chaque fois que je prends le mic, là ça fait boum. Si t'as une caisse immatriculée 13, ça pète sa mère. C'était la haisse pour toi, maintenant tu pèses. Ça pète sa mère. Ils t'ont fait les papiers, tu viens du bled. Ça pète sa mère, wesh ma mène. Faut que ça pète sa mère. T'as arrêté le hram, t'es dans le hled.